caresses buccales. Emmanuel, Emmanuel aime les intellectuels. Emmanuel, goodbye, goodbye, Emmanuel. Goodbye, goodbye, Emmanuel. Emmanuel n'a pas appris à aimer dans les manuels. Emmanuel a besoin de sa dose de je t'aime annuel. Goodbye, goodbye, Emmanuel. Goodbye, goodbye, Emmanuel. Goodbye, goodbye, Emmanuel.